cas où. Trop long, sans moi là attendre, c'est que dans la vie moi des demandes. Un joli petit casque bien arrangé, ma trouble la sœur, mes vœux situés. Moi là toujours été gâtée, et comme bouquet fleur pas un paquet. Dans où tout sourire n'est pas d'amour, dans où tout regard m'y voit le jour. M'y veux ta où de petits mots doux, m'y veux garde à où et embrasse à où. Allez, dans le cœur ira la tuer. Mes vœux d'Aou de petits mots doux, mes vœux garde à où et embrasse à où. Allez, mon petit cœur m'en levé. Embrasse à où aller, mon petit café, mon aimé.